Je tourne à gauche. Je devrais céder le passage. À droite, oui, réponse A. Non, réponse B. En face, oui, réponse C. Non, réponse D.